Seattle, Indy et Cincy. Inquiétude ou mélancolie? Will trip sur quoi? L'Italie ou Forte? Pourquoi Will? Blunt, Hill, Bernard, Powell, Rawls. Que faire? Brady à 40 ans. Breeze est perdant. Start them, sit them, tour d'horizon et prévision. TMT League 2017, c'est parti! Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast épisode 4 de la saison 1 2017 TMT League. Alors, vous êtes en direct de Huntsic Cartierville. Cette émission est commanditée, vous l'avez bien entendu, commanditée par les boissons énergisantes Gourou, d'excellentes boissons organiques et biologiques. Si vous avez besoin de beaucoup de Gourou, vous m'appelez et je vous passerai Vincent Globinski. Cette émission est aussi commanditée par Purel, est en lien avec notre invité de la semaine, William Alex Mercier. Ouais, merci de la réception. Je suis très honoré de me faire commanditer par Purel. C'est vraiment un honneur. Un gros merci. Pourquoi t'es commandité par Purel, Will? Juste de pas y a une rumeur qui court à ce qui paraît. Là, c'est non fondé. On n'est pas sûr à 100%. Des sources de cette rumeur-là, mais comme de quoi je me laverai pas beaucoup les mains. Moi je continue de dire que c'est complètement faux. Mais... Alors, sur ces commentaires antibactériens, il y a aussi Mathieu Robert qui nous accompagne. Aïe, j'avais tellement hâte de commencer le podcast avec mon grand pote Will qui s'enfile une gorgée de bière pendant que je vous parle. Donc Will, le grand parleur qui a pris bien des notes en arrivant ici, je pense qu'il a pris plus de notes en 20 minutes qu'en 3 sessions universitaires. Ça s'annonce une grosse soirée. Donc la semaine a été pas facile pour certains, d'autres ça a bien été, genre vous deux, bravo, bravo messieurs. Puis j'espère que ça va être le dernier podcast où il fait aussi chaud dans la patte parce que Steve, moi je me peux plus. On n'a pas d'air, on n'a pas de vent, on n'a pas de clim. Asti, pour ceux qui nous regardent en direct sur les webcams, là, on a chaud, puis on sue, on a les chandails tout remplis. Il fait à peu près 27,5 dans la patte. Alors, plus que ça. Mais là, parce qu'on ferme les portes pour le son, fait qu'on est juste sur le ventilateur. C'est sûr, comment dire, d'air climatisé peut-être, si les auditeurs... Ça serait bon, ça. Ça serait pas vrai. Ben, on attend les appels, hein? Vous avez des contacts... Fait que Mathieu, on y va du questionnaire? Oui, on a préparé un beau petit questionnaire pour notre ami Willy Gambini. Hey boy! Fait que Will, tu réponds avec toute ta sincérité et voilà. Vas-y. Alors, commençons, facile, italienne ou québécoise? Italienne. Faut croire que... Ça peut être la pizza! Y'a pas de problème. Oui. Wentz ou Goff? Wentz. Ah, clairement Wentz. Depuis jour 1, je dis Wentz. Là, c'est une question, en fond, en te posant la question, on se demande pourquoi, fait qu'on se demande tout de suite pourquoi, c'est ton équipe préférée. Les Bears. Mais pourquoi? Les Bears, parce que, ben en fait, c'est l'équipe qui m'a fait aimer le football, du fait que quand je connaissais rien au football, que je suis arrivé dans la TMT, la Ligue de Fantasy, je connaissais pas du tout ça, puis trois de mes joueurs qui provenaient des Bears cette année-là, ce qui a fait en sorte, j'avais Matt Forte, j'avais Alshon Jeffrey. Puis, à un moment donné, je pense que j'ai Brandon Marshall, si je me trompe pas. Et Martellus Bennett. J'ai eu Martellus Bennett aussi pendant l'année. Fait que ça m'a fait regarder un peu les matchs des Bears. Puis là, après ça, j'ai commencé à fouiller un peu leur histoire. Coach Mike Ditka, qui est une de mes idoles. Puis, c'est ça. J'ai juste embarqué dans le train des Bears, là. Dans l'esprit de l'équipe. C'était une belle époque, mais c'est fini. c'est fini, mais un jour. Est-ce que Will va être le seul à se lever pendant le Super Bowl puis dire, si je veux, tu sais, envoyer, là, promener tout le monde en disant, je vous l'avais dit, puis là, il y a 12 personnes déçues dans la salle, sauf Will qui est content. Ça peut arriver dans 3 ans, comme ça peut arriver quand on va avoir 72 ans, puis genre ça va être dans une maison de retraite. Comme le Canadien. Hein. Bon, c'est vrai que Mathieu a blogué ça. Howard ou Cohen? Howard. Cutler ou Tannehill? Cutler. Eat clean ou play dirty? Play dirty. Oh! Muffin top, ça s'entretient. T'as mieux faire le ménage ou te laver les mains? Faire le ménage. T'as mieux faire le ménage ou faire la vaisselle? Faire le ménage. Ok, ouais. C'est bon. Bière ou vin? Clairement bière. Ouais, hein? Jungle Bay ou VV Pink? C'est C'est-tu vraiment une question? Jungle Bay. Oh, oui, oui, oui. Tout se coupe au montage. Pourquoi avoir choisi Rosemont? Rosemont, ben parce que dans le fond, mon collègue habitait là, fait que c'est pour ceux qui connaissent Phil, c'est un super beau coin aussi, fait que quand on est allé visiter des appartements, c'était dans ce coin-là principalement, puis on est tombé sur l'appartement coup de cœur, puis depuis ce temps-là, on est rendu Rosemont for life. D'ailleurs, on salue Phil qui va nous écouter. Hein? Il nous écoute-tu, ton coloc? Ouais, il va sûrement nous écouter cette semaine. Ah. Vu que je suis là, mais d'habitude, il nous suit. Il n'est pas très, très facile. Parce que Phil a déjà été dans la TMT. C'était pas un succès. Il a pas beaucoup aimé la TMT. Non, c'était pas un succès. ta ville numéro 1 de sport? Chicago. Évidemment. C'est un athlète. Le silence s'impose. Si tu serais quel sport ou quel. Dans quel sport? Ben, tennis. Puis qui est mon grande passion pour ceux qui me connaissent. Puis sinon, un sportif. Raphaël Nadal. Ok, j'aime ça. Qui définit en ce moment le mieux la NFL? Quel joueur de la NFL définit le mieux son sport? Ouais, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de bons représentants. Je vais être obligé de dire Tom Brady, même si je ne suis pas un fan. Mais je pense que c'est un homme qui a énormément de classe, puis il représente super bien le sport. Là. C'est un très, très bon ambassadeur. T'aurais dit qui, Mathieu? Moi? Ouais. Ben Brady. Brady? J'aurais dit J.J. Watt. Ah, J.J. Watt aussi, c'est un bon. Ouais, on dirait qu'il est comme ça. Toi, tu vis sur la vague de son. La vague, Harvey. Ouais. Oh! Il y en a beaucoup, mais. Tu sais, Eric Berry, qui a été blessé la semaine dernière aussi, aurait pu être un super bon représentant, tu sais, du fait qu'il était malade, leucémie, puis là, il revient au jeu à un niveau exceptionnel. C'est un autre très, très bon ambassadeur de son sport que j'aime personnellement beaucoup. Mais, tu sais, les réponses vont varier, vraiment. Finalement, dernière question. Ton athlète préféré dans la NFL de tous les temps? Matt Forte. Matt Forte. Il faut dire que oui, il y a un joueur de Matt Forte des Bears qui a probablement payé à 75% de rabais parce qu'il était plus avec les Bears quand il l'a eu. Ouais, il venait d'être échangé. Ben, il a changé il avait été changé. C'est le drop block. Ouais, c'est ça. merci Will pour ton entrevue. Alors, on va passer à la chronique Héros de la semaine. Alors, la chronique Héros de la semaine, mon Mathieu. Enrique Iglesias. C'est beau. On va commencer avec moi. Tu m'as mis en premier, Félix, merci. Alors, le premier héros de la semaine, CJ Anderson, my boy! C'est même pas moi, c'est toi qui écris ça. Ah, je pensais que c'était toi. Non, c'est pas moi. Alors, le boy me fait 26 points, me fait gagner contre JF. Moi, j'avais plus aucun espoir. Ceux qui m'ont vu, vers 3-4 heures, j'étais un peu déprimé. Il m'a fait remonter le moral. Puis, même si Brady a fait genre 40 000 points, j'ai gagné pareil. Alors, salutations, JF. Salutations à CJ. C'est le prochain, c'est le mien. Monsieur Thompson, des Redskins. Oh. Alors, gros call, comme dirait un certain, ben, t'avais pas le choix de le mettre parce que t'avais rien. Indeed, j'avais juste ça à mettre. Mais honnêtement, si j'avais eu McCaffrey que j'ai essayé d'échanger, j'aurais probablement pas starté Thompson, j'aurais mis McCaffrey. Et finalement, ben, ça m'a valu, il a fait quoi, 21 points, je pense? Il a fait un toucher de 70 verges. Là. Ouais. Fait que ça a aidé beaucoup, mais sinon, il fait pas beaucoup de courses encore. Il est pas très, très efficace au sol. Là. Les Redskins ont été assez clairs là-dessus. Au niveau du sol, Chris Thompson, c'est pas leur meilleure arme. C'est pour ça qu'ils vont essayer de possiblement rentrer sa Magie Perrine cette semaine. Mais non, Chris Thompson, au niveau des airs, là, très, très bon parce qu'il est pas catching back. Mais ils ont dit quand même qu'elle essaie de le garder dans... Ouais. Ils ont vu qu'il était... Il est pas énorme, là, mais il est combatif. Là. L'autre héros, Sanders, de Notorious Team, JP, qui bondissait en l'air à chaque toucher. Il y en a eu deux, je pense, de Sanders. Ouais. Fait que ça lui a sauvé un peu la peau. Il pensait perdre contre Gab. Bon, on pensait aussi qu'il allait perdre, mais contre Gab, tu sais qu'il va plafonner vers 60-70 points. Fait que t'as besoin d'à peu près 3-4 touchés dans ta semaine pour le battre. Donc, c'est pas si fait. Mais là, Mathieu, est-ce que... Moi, Sanders et Demarius, j'avais peu confiance à cause de Simeon. Est-ce que Simeon, tu sais, est-ce qu'il redevient le carrière qu'on pensait pas qu'il était, puis finalement se l'est, puis go, on y va avec Simeon, puis on a confiance en Sanders. Est-ce que Sanders est une nouvelle menace, mettons, pour les gens dans leur prochaine semaine de Fantasy, quand ils vont affronter Sanders ou Demarius? Ben, Sanders a toujours été bon, tu sais juste jamais sur lequel ça va tomber. Ça peut être Demarius une semaine, Sanders une autre semaine. Fait que tu prends un peu un guess, mais c'est pas tant un guess. Tu sais qu'il va te faire au moins 4-5 points. Il peut aller jusqu'à 20-25, c'est un bon plafond. Mais Simeon, il est pas si bon, mais comme il y a une grosse défensive, d'ailleurs, nos boys de Fantasy en parlaient aujourd'hui dans leur podcast, quand tu as une grosse défensive qui te met à la ligne de 40 ou 50 pour commencer la drive, c'est toujours plus facile qu'à la ligne de 20. Puis quand il te crée un turnover à la ligne de 20 de l'autre côté, puis tu reprends le ballon, puis tu as 20 verges à monter, c'est toujours plus facile. Non, parce que si on regarde cette semaine, je pense qu'il a fait 4 touchés, mais il y a genre 200 verges. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il a fait des petites drives pour aller compter un touché. Ah non, ça a été, il a très très bien joué. C'est vrai, effectivement, le jeu de C.J. Anderson a beaucoup beaucoup aidé Simeon. Mais je pense que au-delà de ça, il y a beaucoup à donner au coaching staff cette année. C'est plus le même head coach, c'est plus Gary Kubiak cette année. Kubiak est rendu, je sais pas trop où, là, je pense qu'il est rendu juste sur un échelon plus haut. Mais Vance Joseph a beaucoup changé la façon qu'il faisait les choses à Denver. Il essaie d'impliquer un peu plus C.J. Anderson. Mais au-delà de ça, en plus du coaching staff, je trouve que Simeon joue beaucoup mieux que l'année dernière. Non, c'est vrai. Tu sais, Benny Fowler est plus impliqué. Je pense qu'il y a eu 3 touchés là, en 2 semaines. Tu sais, fait qu'il est quand même de... c'est plus juste Demarius Thomas. C'est tout le monde dans l'offense. C'est un travail collectif. Puis Simeon fait une très, très bonne job pour distribuer le ballon un peu partout dans l'offense. Ah, effectivement. Puis dernier héros, Félix, vas-y. Todd Gurley de Game Changers. Marc, il... C'est mon boy, Gurley. Hein? Je l'aime, Gurley. Oui, ouais. Mais... non, mais Marc, qui s'en vient avec une réputation de dangereux, qu'on n'aime pas affronter. Tu sais, Marc... espèce de renard, il est rusé, il réussit à trouver la faille dans ton jeu. Si c'est pas le tight end, c'est le flex. Il y a toujours un endroit où il réussit à te battre d'une dizaine de points. Je pense que c'est à cause de Beach Report. C'est vrai. Marc est le gars le plus connecté en ville. Alors, autre chose à rajouter, Mathieu? Non, moi, Gurley, j'aime beaucoup. Puis je pense qu'il peut nous faire il peut te faire à chaque semaine un 10-15 points facile. Je peux même aller jusqu'à 20. Fait que c'est vraiment un bon joueur assez complet qui est au centre de l'offensive. Fait que si cette année, il peut enfin débloquer un peu, ça va beaucoup aider les Rams. Alors, prochaine chronique? Oui, on va passer des héros aux héros. C'est la chronique Nate the Great! La chronique Nate the Great. La chronique Nate the Great! Merci à JP d'ailleurs pour prêter sa voix à cette chronique encore une fois. Félix, tu sais expliquer la chronique, c'est quoi? Ouais, alors Nate the Great, la chronique à la base dans notre grand brainstorm de podcast, ça devait être les joueurs qui allaient être sa brosse, battre leur femme, être tout croche. Parce que c'est en référence à Nathan Beaulieu, le Canadien, qui sert à rien. C'est ça. Alors, on l'a plus reviré en joueur qui te sert à rien ou qui t'a rien fait puis que tu cherches pendant toute la maudite journée qu'il t'a fait un bon donut ou à peu près l'équivalent. C'est ça. Fait que, allons-y avec le premier, Félix. Thomas Rawls de GF. Qui est... Non, mais honnêtement, là, tout ce qui est Seahawks, c'en est... Ben, j'ai eu Eddie Lacy, là, mea culpa, je l'ai droppé. Rawls, il y a Carson qui fait... on sait pas trop. Comment? Baldwin fait... Moi, je l'ai fait rien. Puis... notre deuxième Nate, c'est Jimmy Graham. Jimmy Graham, qui est... Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Seahawks, là, je pense qu'on se reporte à l'épisode 1 du podcast qu'on commence à prévoir. On a parlé des Seahawks en disant... Pat Seahawks au Super Bowl, c'est pas impossible. Non. Mais là, les Seahawks font quoi? Est-ce que Pete Carroll est en danger? Mais ils ont toujours un lent départ, comme les Packers. Moi, je suis pas inquiet. Ils vont revenir. Moi, je suis pas inquiet pour eux. Ils ont une grosse défensive encore. Will peut en témoigner. Mais l'offensive n'a jamais été à 100% complète. Là. Non, offensive. Puis surtout, là, cette année, le gros problème qu'on dirait que les défenses essaient d'exploiter, c'est leur ligne offensive. Russell Wilson se fait bardasser comme ça. Pas de bon sens. Ça n'a jamais été une des meilleures lignes offensives, sauf que là, c'est vraiment un problème. Là, en ce moment, Russell Wilson n'a pas de temps pour lancer. Il s'est fait, je sais pas trop combien de sacs il y a eu dans les deux dernières semaines, là, mais c'est pas chic là, au niveau de la ligne. Il y a peut-être pas beaucoup de sacs parce que quand même il se dérobe facilement, mais quand il se dérobe, il se fait presque pogner ou il se débarrasse du ballon. Il n'y a plus là, les jambes non plus qu'il avait. Il a toujours été blessé depuis 2 ans là, au pied ou je sais pas trop. Fait qu'il essaie de se ménager un peu. Fait qu'il se fait pas toujours saquer. C'est peut-être pas représentatif, mais effectivement, la défensive perce la O-line là, vraiment facilement. Parce que pourtant, Wilson, c'était son arme de dérober avant. En 2014, contre les Pats, là, c'est comme si vous avez vu le documentaire, il parle de contain Wilson dans le milieu en disant faut pas qu'il dérobe. Tu peux le laisser travailler dans sa pochette. Laisse-le lancer. Mais laisse-le lancer. Faut pas, s'il dérobe, là, on est mal pris. Là, c'est comme rendu l'inverse. Il dérobe, puis ça avantage l'équipe. Ça coupe dès qu'un carrière dérobe, ça coupe le terrain. Puis les DB, ben, ils vont jouer les statistiques, puis ils vont savoir où aller ou ne pas aller. Troisième, Nate the Great. On y va avec notre ami Ninja, avec son tight end, Monsieur Hooper. Qui a fait un bon donut, on peut le dire. D'ailleurs, il y a 2 donuts dans son nom. Fait que je sais pas s'il va le remettre la semaine prochaine. Mais comme disait Marc un peu sur une conversation là, qu'on avait pour la Ligue, t'as Coleman, t'as Freeman, t'as Julio, t'as Sanu, puis t'as Taylor Gabriel. Il est un peu 5-6e, là, Hooper. Fait que tu vois, il fait un gros jeu comme il y a une semaine. Il a fait 2 gros jeux, là, un toucher de 80 verges. Mais moi, courir après des points de même, c'est pas trop mon genre. Puis je pense que Ninja a un peu couru après des points et s'est fait prendre dans son propre jeu. Le volume est pas là. Même sur sa grosse performance la semaine dernière, il y a eu deux attrapés, mais 2 targets. C'est les 2 seuls. La clé dans la fantasy, c'est le volume. C'est pas les points. Si vous fiez trop aux points, vous allez vous faire prendre. Parce que c'est pour ça qu'il y a Antonio Brown, Le'Veon... mais là, Zeke, ça marche peut-être pas cette semaine, mais mettons, si on met sur un complet de saison, c'est ça qui fait que c'est des bons joueurs fantasy, pas de vraie vie, là, fantasy, parce que sont là sur toutes les snaps ou la grande majorité, puis surtout des tight ends, on regarde les targets, parce que ça arrive qu'il y a des tight ends qui font des un gros catch, là, puis ils font beaucoup de points, mais c'est trop risqué de starter ça, t'sais. On est mieux avoir un Gronk avec 6-7 targets. Fait que c'est ça, c'est vrai, le volume. Hooper a absolument aucun volume. Graham a aucun volume en ce moment non plus. Tu sais, c'est des joueurs de même qui ne servent un peu à rien. Mais moi, je trouve ça bien quand même que les stats importantes, c'est surtout les targets puis les snaps. Quand on a commencé le fantasy, je reprochais un peu à l'application de ne pas nous fournir cette information-là. Mais je trouve que c'est bien de ne pas la mettre comme ça. Ça laisse ceux qui veulent vraiment trouver l'info. Ben, ils peuvent la chercher, ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent regarder des émissions, ils peuvent écouter des podcasts pour vraiment aller chercher l'information supplémentaire. Si t'as tout sur l'application, ça devient trop facile. Alors que là, les targets puis les nombres de snaps, ça vient vraiment dicter un peu l'allure du joueur. Vraiment, est-ce qu'il joue beaucoup? Est-ce qu'il est targeté? Ben, on le sait pas avec l'application. Tu sais juste tes catchs. Ça dit rien. Ça dit absolument rien. C'est une stats un peu vide. C'est ça. C'est ça. Tu peux attraper 14 fois pour une verge puis t'as pas plus de points. Là. Exact. Puis dernier, Nate the Great, notre ami encore, ben 2 gars à GF cette semaine, le Garrett Blunt, qui a fait, je pense qu'il y a eu 1 catch pour 0 verge, puis il n'y a pas eu de course. Mais lui, il est terminé, c'est fini. Non, c'est ça, mais ça fait combien de semaines je vous dis que Blunt, en tout cas je dis à Félix que Blunt c'est le boss of the year. À date, c'est pas pire. Là. Moi, j'y croyais pas, mais là, je dois donner raison à Mathieu pour le peu de fois que je le fais. Blunt, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais il fit pas dans l'équipe, puis je pense qu'il est allé là pour l'argent, puis tu sais, avec les pattes, c'était fort, puis tout, mais il est plus là pour gagner. Là. Non, il y a pas le même care qu'il y avait, je pense, avec les pattes, mais il y a peut-être pas non plus le même coach, la même ambiance qu'avec les pattes, qui est une équipe championne, puis que tu te laisses porter un peu par tout le monde. Tu arrives à Philly avec un carrière semi-recru. T'sais, les Phillies, c'est pas trop clair. C'est une bonne équipe, mais c'est pas... T'sais, ils gagneront pas le Super Bowl, là. En tout cas. On pense pas. Je pense pas. Fait que, Félix, on va enchaîner avec... on voulait faire un tour d'horizon, là. Il y en a qui nous ont dit qu'ils voulaient justement un petit tour d'horizon des équipes, des affrontements dans la semaine. On va essayer de faire ça le plus vite possible en gardant un peu là, les faits saillants de chaque affrontement. On va commencer avec notre fabuleux Thursday Night qui est toujours aussi palpitant. D'ailleurs, cette semaine, c'est encore aussi à chier. La semaine passée, Houston contre Cincinnati. Écoute, j'ai vu là ce qui a retenu, pas grand-chose, mais en gros, les Bengals, ils splitent encore à 3. Mixon, 9 carry. Je pense que c'était Gio à 6, puis Hill à 5. Ils ont eu 4 catchs à 3. Sinon, Green, Eifert, c'est des bons joueurs, mais Dalton, il n'est pas là. Il a fait 224 verges, aucun touché. Il a 4 points fantasy en 2 games. C'est de la médiocrité. Là. Je ne sais pas comment ils vont s'en remettre de ça. Ils ont-tu viré le aussi? Oui, ils ont viré Ken Zampese. Zampese. Mm-hmm. Quelque chose de même. Là. Ils l'ont viré. Le fait que là, ça devrait changer bientôt. Là. Je ne sais pas qui ont mis à sa place. Je ne sais même pas si ça a été fait encore, si c'est juste intérimaire. Mais pour l'instant, là, ils ont décidé de changer. Mais qu'est-ce que Marvin Lewis fait encore là? Il fait 15 ans qu'il est là. Il n'y a aucune victoire en série. Non, ouais. Puis il est encore là. C'est incroyable. Là. On vide des coachs là, pour pire que ça. Ouais. Puis pour bien moins pire que ça, je veux dire. Puis il est encore là. Pourtant, je trouve pas que l'équipe est mauvaise. C'est ça qui est triste. Quand tu t'attends, les Niners, les Jets, là, tu t'attends pas à la grosse affaire. Puis s'ils gagnent, ben, tant mieux. Mais Cincy, Christy, ils sont dans une top division, je comprends. Mais en même temps, ils ont une bonne équipe. Ils ont tout. Ils ont beaucoup de talent dans leur équipe. Là. Ils ont une grosse offense. Ils ont une bonne défensive. Et voilà. Moi, je la comprends pas. Mais bref... changement d'aussie, peut-être ça va te profiter, parce que d'ailleurs, Laurent, il a pété une bulle aujourd'hui, il t'a échangé un peu en panique Joe Mixon, puis il n'y a pas grand monde qui comprend cet échange-là, mais bon, il n'y a pas de veto, on se fait confiance, et puis advienne que pourra, bravo Will pour l'acquisition, je te souhaite que ça marche, puis Laurent, de ton côté, la prochaine fois que tu veux jeter un joueur au vidange, ben 514, puis appelle-moi. Je donnerai pas mon numéro en Londres, là, quand même. On pourrait se faire commanditer par, tu sais, les cubes, là, qu'on regarde, ou, tu sais, l'annonce, là, « Pointez ceci, ça disparaît! » ça pourrait être ça. Dernière stat rapide, là, moi, Lamar Miller qui me fait peur, là, parce que Foreman, il a pris 12 carries contre 18 pour Miller. J'ai vraiment peur que ça va baisser dans les prochaines semaines pour Miller. Si la dose de travail, la charge de travail baisse pour Miller, là, bon, c'est capote pour lui. C'est celui qui l'a. Je peux penser que c'est Laurent qui l'a, d'ailleurs. Ouais, exactement, c'est Miller. C'est Laurent qui l'a. Ça va super bien. Fait que, bon, prochain affrontement, Philly à Kansas City. Mon boy Zach Ertz continue de bien faire. Je l'aime beaucoup, encore une fois. 97 verges. Beaucoup targeté. Il y a eu 5 catchs. Alshon Jeffrey a explosé. 7 catchs, 92 verges, un touché. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Wentz, il a couru pour 55 verges. Je savais pas qu'il était si mobile de 1. Mais il a surtout lancé, genre, 50... Combien de passes? 48, 47? 50 un, passes? Un volume de 49 passes, je pense. Il a lancé du ballon. Là. Fait que ça donne la valeur aux gars comme Ertz, Jeffrey et Sproles. Exactement. Vraiment, là. Mais ça reste... Tu sais, Casey, c'est spécial. C'est une autre équipe aussi qui devrait être on top, en tout cas selon moi, mais qui performe... Tu sais, ils ont Kareem Hunt, là, qui ça va bien, puis tout ça, mais ils ont pas l'air de se démarquer comme une équipe de champions. On dirait qu'ils vont encore perdre en deuxième ronde des séries, ou... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas l'équipe qu'on... C'est supposé être une puissance, là, eux autres. Mais... Ben, je pense que c'est une puissance. Ouais. C'est sûr que cette semaine, la perte d'Eric Berry s'est fait sentir un peu, tu sais, parce qu'au niveau des safeties, il y a une couple d'attrapés qui ont été, laissés par les safeties, mais je pense que Casey reste quand même une force dominante. Malgré le fait que, puis ça c'est l'argument, le gros argument contre Casey, c'est qu'ils sont possiblement dans la meilleure division. Ben c'est la cette meilleure. Année, c'est la meilleure division. Oh, c'est solide. Là. Comme quand tu vois que Denver explose Dallas de même. Là. Puis avec Oakland. Avec Oakland en plus. Ouais, non, puis c'est les Chargers. Les Chargers sont pas mauvais. Là. Non, mais les Chargers. En tout cas, on va revenir sur Chargers tantôt, mais. Alors, prochain affrontement, Buffalo en Caroline. McCoy, 12 carries pour 9 verges, 6 pour 34 par la passe. Très ordinaire, Stewart, on n'est pas inquiet pour McCoy, là, juste en passant, mais ça va arriver, là, parce qu'ils n'ont pas d'offensive, puis c'est un peu comme Gurley l'année passée, il y a personne d'autre que lui, fait qu'à un moment donné, si la défensive comprend qu'il y a juste lui, ben tu le surveilles, puis Non, c'est difficile à Buffalo, puis ça finit combien, ça marche, ça finit 12-9 ou 9-6, ou... Ouais, 9 à 6, mais tu sais, puis Cam Newton, là, tu sais, Caroline, là, c'est le grand retour, là, mais ça pas fonctionne bon, pas, ils sont pas supposés faire aussi peu de points qu'on... Puis Buffalo, sont bons, mais défensivement, ils se sont pas débarrassés d'un gros morceau récemment. Ils ont perdu leur corner aux Pats, qui était leur meilleur corner, là, que j'oublie le nom. Gilmore. Puis ils ont donné Watkins. Ils sont en reconstruction, là, ouais, clairement. La Caroline, sont en, je sais pas, sont en quoi, là, mais ils sont pas contenders pour grand chose. Non, Buffalo, faut quand même leur donner crédit. En 2 semaines, il n'y a pas un touché par la passe qui a été fait. en deux semaines, pas touché par la passe. T'sais, ça a été deux games qui ont fini avec un très très bas score. Je pense quand même que la défense de Buffalo est quand même de produire, mais l'offense, ça se fait pas. Puis finalement, McCaffrey contre Stewart, là, Stewart 15 carry, McCaffrey 8. C'est vraiment pas le début de saison qu'on pensait pour McCaffrey, c'est décevant. Je sais même pas si tu peux le starter. Là. Moi, honnêtement, je ne starterai pas encore. On va attendre de voir ce qui se passe. Anyway, le petit Stuart, il se blesse pas mal après à chaque année après 4-5 games. Mais c'est peut-être, c'est comme Mixon. Soyons patients. Là, mais ouais, soyons patients. Mais c'est pas un start-up, c'est un start-up à chaque semaine. Non. Cards à Indianapolis, le grand retour de CJ2K, qui a fait 11 carry, 44 verges. Quand même le meneur dans le backfield. William, clairement pas le meneur. Mais en fait, clairement plus l'homme là, dans le backfield. Il est pas là. J.J. Nelson, 120 verges, un touché. À chaque année, on dirait que personne veut Nelson. Puis à chaque année, Brown se blesse, puis Nelson fait des games de même. En tout cas, je sais pas, là, il va être pris ses waivers, là, évidemment, mais celui qui va l'avoir, moi, c'est un start automatique. Là. Mm-hmm. Ouais, non, voilà. Tu sais, mais les gens ont peur, hein. Il est très petit, Nelson. Il est très petit, il est pas fait grand, il est frêle, mais il est rapide. Ouais. Il est vraiment, vraiment rapide. Puis, quand des joueurs comme Brown sont pas là, ça lui ouvre la porte, ça lui donne l'opportunité. Puis là, je pense que là, les deux dernières semaines, où est-ce que Brown n'a pas produit, ben en fait, Brown était inactif la dernière semaine, là, la semaine 2. Ouais. Mais je pense que ça vient d'ouvrir la porte pour un rôle assez solide. Surtout Carson Palmer est reconnu pour lancer assez loin dans le terrain, assez profond. Fait que je pense que J.J. Nelson a une bonne chance de mais est-ce que les Cards... Non, les Cards sont pas là. J'ai l'impression que les Cards, là, sans David Johnson, le cœur bat plus, puis on dirait que tous les joueurs des Cards, est-ce que ça en vaut vraiment la peine en termes de fantasy? Je pense que t'as un risque d'y mettre. Si t'as pas le choix, regarde, t'as pas le choix, mais si t'as d'autres choix, t'es mieux d'y bencher. Parce que honnêtement, c'est une équipe pourtant qui aspirait à beaucoup. Là. Ouais. Mais on voit que David Johnson, on comprend la valeur de David Johnson avec cette blessure-là, comme quoi ils se sont éteints là, totalement. Mm. Toutes les options de course, les lectures sont faciles pour les autres défensives. Parce que Kieran Williams est clairement pas capable de répéter ce que l'autre fait. Puis CJ2K, là, c'est beau, mais il est ben trop vieux. Là. Ben oui, il arrive de où? Là, il était chez lui, il y a deux semaines. Oh oui. Ouais, c'est ça, exactement. Free agent, là, et Larry Fitz n'a pas fait grand-chose non plus. Qui est d'habitude le gars qui a le plus de réception, au moins plus de target. Là, il était complètement vide. Là. Puis encore une fois, là, je vais répéter, mais T.Y. Moncrief, ils ont fait 49 verges, 18 verges. Tant que Locke n'est pas de retour, moi, je les start pas. Trop difficile. C'est vraiment trop difficile à juger. Titan à Jacksonville, mon bon ami DeMarco Murray, l'ischio jambier serré, comme on dit, il s'est fait mal. Hunter Henry a pris le backfield, 14 pour 92, 6.6 de moyenne. Je suis un peu inquiet, honnêtement, mais il paraît que Murray, c'est encore le gars de confiance. S'il est en santé, c'est lui qui va jouer, c'est lui qui va... qui est là. Il a quand même juste 29 ans, là, il a pas 35 comme AP. Non. Il est encore là. Hunter Henry, c'est sûr qu'il est bon, mais on peut comparer, là, comme je fais référence souvent aux footballers, mais il en parlait aujourd'hui, là, il parlait de, mettons, Freeman, Coleman. Mm. Freeman, l'argent sur qui? Sur Freeman. Coleman, c'est un gros talent, mais il continue d'utiliser pareil Freeman à grosse sauce, fait que ça va être un peu le même principe jusqu'à ce qu'il contraire. Mais Derrick Henry, tu sais, il fait partie des schemes de jeu, puis probablement que contre certaines défensives ou quand il joue une 43 ou une 34, de la façon qu'il joue, ils doivent se dire on va utiliser plus Henry ou plus l'autre, mais ça reste que je pense que c'est Murray qui est plus sur le poster, puis c'est Murray qui est en avant dans le stade, c'est lui qu'on présente, c'est lui qui fait les annonces. Ouais. Tu sais, moi, c'est un start toutes les semaines, selon moi. Là. T'as pas le choix. Là. Ben, j'ai pas le choix, je peux pas le bencher. Fait qu'on enchaîne avec Cleveland, c'est bon, Philippe? Ouais, ouais, ouais. Cleveland à Baltimore, Javorius, ton ami Buck Allen, qui a pris le backfield. Là. Terrence West, c'est comme semi-blessé ou je sais pas trop, il a pas eu beaucoup de snaps. Ça paraît comme là, regarde, c'est vraiment un bel exemple. Là. West, il a eu 8 carries pour 22 verges. avec un toucher. Quand même une pas mauvaise journée. Mm-hmm. Mais il y a eu comme trois fois moins de snaps que Buck Allen. Mais Allen a été sur, j'ai entendu 46 des 58 snaps totaux. Buck Allen était le seul. Ça, c'est une stat à considérer. Surtout pour un running back, parce que les wide sont les deux premiers sont majoritairement là, les running back non. Mais quand tu es un running back, tu es là à chaque snap, tu as une énorme valeur. Selon moi, tu as une énorme valeur. 42 ouais. pour Allen, les snaps contre 15 pour West. C'est ça. C'est fou, là. Faut faire attention parce que West s'est blessé durant la game. Okay. Il est présentement blessé, là. Fait que ça. Allen, ça a l'air d'être la nouvelle invention après le bouton à quatre trous. Là, c'est comme tout le monde. Puis il disait, là, l'année passée, personne ne voulait. Non. Il était supposé, va-t'en. Puis là, tout à coup, c'est comme tout le monde. Puis qui l'a? C'est Jeff qui l'a. Ouais. Puis Jeff, il l'a benché. Ouais. Puis, Il n'aurait pas dû. Non. Fait qu'on enchaîne, Félix. San Francisco à Seattle, Triste match le plus ennuyant de la semaine. Brian Hoyer qui n'a même pas 100 verges par la passe. J'y reviendrai, là, mais moi, les wide, si quelqu'un a un wide de San Fran, c'est pas mal au vidange. Hyde, qui a bien couru pour 124 verges, une moyenne de 8.3, quand même solide contre Seattle, qui ont supposément une grosse défensive par la course, mais pas de toucher. Là, ils n'auront jamais vraiment... Hyde, il va faire des verges, mais il ne fera pas beaucoup de toucher. Fait qu'est-ce qu'on start une défensive contre San Fran la semaine prochaine? Oui, clairement. San Fran, Cincinnati, Indianapolis, c'est toutes des équipes contre qui c'est des défensives qu'on devrait starter normalement. Ouais. Non, c'est vraiment pas une grosse offense cette année. Les Rams jouent contre les Niners la semaine prochaine. C'est puis Thursday night. Je déteste le Thursday night. Et ça te laisse aucune. Moi j'ai fait 10 points cette semaine au Thursday night. Je suis super content, tu pars avec une bonne base, mais quand tu pars à moins 4 au Thursday night, t'as viré sur un dessus, c'est pas facile, surtout si t'as des Odell Beckham, des joueurs comme ça que t'es pas sûr qu'ils peuvent jouer, là, t'as deux postes difficiles. On sait que les Rams, par exemple, la semaine dernière, ont joué contre les Colts, puis on sait comment ça finit, là. Ça finit avec un 29 points de production fantasy. Fait qu'avec une offense qui est similaire, je pense que les Rams, cette semaine, là, puis bon, finalement, faut en parler, là, le backfield à Seattle qui est vraiment mauvais. Honnêtement, Carson, pas si pire, a fait 20 courses pour une moyenne de 4.7 verges par course. Mais moi, c'est pas un gars que je mettrais quand même. Je vais attendre de voir là, parce que Rawls est encore là. C'est trop risqué. Là. Moi, aucun running back des Seattle que je mettrais. Puis les wide, Lockett, Baldwin encore moins. Je sais pas, là, Wilson n'est pas là. Gamo, tu pensais qu'il était bien bon, Wilson, là? Mais à date, c'est pourri. Mais on fait quoi avec Baldwin? Ben, t'as pas le choix de le mettre, mais tu vis avec. T'essaies-tu de l'échanger? Est-ce que Baldwin est une bonne monnaie d'échange? Est-ce que quelqu'un peut y croire? Ouais, quelqu'un peut y croire. Peut aller chercher quelque chose. Faut juste pas qu'il écoute le podcast. Ouais. C'est ça qui est un peu. Moi, je trouve que c'est des joueurs, puis peut-être que la semaine prochaine, on pourrait se faire une genre de chronique là-dessus sur ces joueurs difficiles-là, dans le sens que c'est comme des vedettes qui performent pas. Ouais. Un peu comme Cooper, ou tu sais, des trucs. Qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est un gros challenge fantasy quand t'arrives le mercredi pour faire ton line-up. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Bon, on pourra y aller pour la semaine prochaine. Ouais, donc Green Bay à Atlanta, Ty Montgomery, Will, ton boy, là, 10 pour 35, un touché, 6 pour 75, un touché par la passe. Quand même assez solide, je pense qu'il est sur toutes les snaps de l'équipe. Donc oui, ils n'ont personne d'autre à part Jamal Williams, je ne sais pas trop qui. Montgomery, il va finir top 10. Il ne faut juste pas qu'il se blesse. C'est juste ça. Il est petit. Là, c'est rendu un RB1. Mais tu vois qu'il est dans une grosse offense, là, tu ne peux pas te tromper. Adams, un touché sans verge, quand même pas pire aussi. Cobb, 6 pour 60. Félix, Nelson, s'il reste blessé, là, ces gars-là, c'est des must-start. Moi, Adams, j'étais comme pas trop sûr. C'était mon keeper. Je perdais rien pour, je l'ai gardé. Sans trop vraiment être convaincu, mais quand t'as un gars comme Rodgers qui fait 50 passes par game, t'as pas le choix de le mettre. Puis clairement que les Packers jouent dans un système de jeu avec des receveurs 1-2. Les autres, ils jouent vraiment 1-2-3, puis le slot est aussi important que le wide. Puis on l'a vu au Sunday night, comme quoi, dans les schemes de jeu, comment ils font vraiment, là, Cobb autant avait de l'importance dans un jeu, puis autant Adams avait de l'importance dans l'autre jeu. Particulièrement quand Nelson s'est blessé, ben là, c'était comme d'autant plus évident. Là, mais t'as raison, Mathieu, c'est vraiment deux must-starts. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur en ce moment. Du gros upside, comme on dit en anglais. Du gros upside. Et finalement, ben, Freeman, là, qui a repris un peu son rôle offensif avec 19 pour 84, 4.4 de moyenne, 2 touchés, qui reprend vraiment là, le lead du backfield. Si on regarde Coleman, il y a eu 6 carries pour 42. 6 contre 19, c'est vraiment Freeman qui prend la charge là-dessus. Miami à Chargers, ben là, ils ont perdu en fin de match parce que Toe, le bon vieux, comment il s'appelle son Young, oh, Young, c'est... Young Hui Koo. Young Ho. Young Hui Koo. C'est Ho, mais c'est Young Hui. Young Hui, c'est son... C'est son, du coréen, c'est de l'asiatique. C'est de l'asiatique. Fait que, bref, lui, il a manqué un botté de 40 verges pour la victoire. Fait que les Chargers ont perdu. Ajayi, 28 pour 122. Gros boy là, de vraiment, je prends la balle puis je fais tout avec. Par contre, il y a des rumeurs qu'il est comme blessé au genou, il est raqué des jambes quand il finit. Ouais. Pas sûr, là, comme ils disent les analystes, là, ils vont faire 16 games en ligne. Il n'y a pas de bye week parce qu'ils ont fait leur bye week semaine 1. Ça peut faire mal. Moi, je pense que semaine 10, là, il va être brûlé ton pied. Ça ne pourra pas être ça, mais tu sais, là, il a joué 94% des snaps. Puis il a joué sur 80, sur ces 94-là, les fois où il ne touchait pas le ballon, 92% des snaps, il n'a pas touché le ballon pour une course, il faisait une route. Ouais. Fait que le gars est toujours utilisé. Mais là, Cutler, honnêtement, Cutler, c'est comme un nouvel homme. Là. Oui. On parle en fantasy, on l'aime ou on l'aime pas, mais en fantasy, moi, je pense qu'il y a une certaine valeur si on a la misère des carrières. En ce moment, c'est quelqu'un à aller chercher, particulièrement que là, il affronte. C'est qui? C'est Indy la semaine prochaine ou... Il affronte pas une bonne équipe. Il affronte une équipe, poche la semaine prochaine. Fait moi, je pense que Cutler, ça peut être un gars à starter. Puis, Jarvis Landry, que j'ai dans une ligue, ben clairement, tu vois que le gars, il a du talent. Mais là, la base se rend. Pour la première fois, la base se rend. Tannehill, Moore, tous ces gars-là, ça se rendait pas. C'était compliqué. Là, ça se rend. Puis, Cutler, là, on voit qu'il, tu sais, on l'haït un peu, là, mais il est une petite coche au-dessus de bien du monde dans la NFL. Là. Mais tu sors pas de ta retraite pour ne pas être motivé. Puis, le gars avait une belle job à Fox, dans une, tu sais, pour être un broadcaster. Tu sors pas de ta retraite pour être démotivé comme tu l'étais avant. C'est pas ça que c'était fait de l'affaire de compte. C'était fait renvoyer pour avoir fumé dans les studios. Ouais. En tout cas, ça, c'est l'histoire de tout. Bref, pour les Chargers, Gordon qui a vraiment baissé, là, 9 pour 13. On sait que le gars, normalement, il fait pas tant de verges. C'est un gars de toucher. Ben, c'est parce qu'il est tout le temps sur le jeu. Il fait beaucoup de catch aussi. Mais c'est correct, ça arrive, ça. Faut le starter quand même, c'est normal. Ils ont tous une game de match. Mais mon ami Keelan Allen, d'ailleurs, le tien aussi, Will, le t'aimes bien. 9% verge. Le gars, il a beaucoup de catch, il a des verges. S'il reste en santé, là, ça peut être un bon... Mais les joueurs, les Chargers, là, c'est une équipe un peu dans l'ombre à cause qu'ils perdent tout le temps et ils se rendent jamais loin, mais leurs joueurs, en termes fantasy, ça vaut la peine. C'est des joueurs qui accumulent beaucoup de points. Ils perdent souvent à 2-3 points près. Hein, fait que, au moins, ils en mettent sur le board. Là. Philip Rivers, gros corps arrière. Keenan Allen, on l'a dit, super bon. Tyrell Williams peut être starté. Travis Benjamin, ben, c'est un do or die. Là. Le gars, il va te faire soit un gros toucher de 62 verges ou rien du tout. Mais là, leur quatrième choix au repêchage, il arrive quand là? Mike Williams ou Mike. Lui, quatrième choix overall. Ouais. On s'entend que c'est un pas pire talent. S'il commence à jouer, ça peut être pas pire aussi. Chicago à Tampa Bay. Bon, Cohen Howard, ça s'est splitté ça pas mal. C'était un peu n'importe quoi. Très, très négligeable. Howard est sorti très vite, par exemple, du match. Il était blessé. Je pense qu'il s'est blessé. Puis Cohen, il a fumble ou je sais plus trop. Là, il est arrivé un accident. Bref. Kendall Wright, premier wide, là, ça, on se demandait la semaine passée, c'est Kendall Wright le premier wide, c'est... 69 verges, bof. Mike Glennon, il est très mauvais. Jacquizz Rogers, j'ai la misère à le dire, Jacquizz Rogers, 19 pour 67, c'est pas une très bonne moyenne, là, 3.5, mais c'est lui qui lead le backfield, pas pire. Il y a quand même eu Barber, le deuxième, qui a fait 10 carries pour 47 verges, mais en moyenne, un petit peu moins de carries. Puis Mike Evans qui a repris où il a laissé en 2016. Là, il était temps que Mike Evans revienne après 3 semaines. Là, il était temps qu'il revienne. Là, ça, c'est ce qu'on s'attend de Mike Evans. Là, il est solide. Honnêtement, il est solide. Ouais. Puis, le corps arrière, là, il l'aime beaucoup. 7 targets pour Evans, c'est la moyenne qu'on devrait s'attendre à chaque match. Lui, c'est un must-start, receveur numéro 1 tout le temps. Mais l'année passée, dans Target, je pense qu'il était premier. Là. Il y avait comme 12 à 13 targets par match, puis une moyenne de comme 6 à 8 catches par match. Il est énorme, là, Mike Evans. Il est gigantesque. C'est un des plus gros receveurs de la NFL. On le regarde moins, là, on dirait, là, c'est les Buccaneers, mais il est gigantesque. Là. Fait que suivant, là, les Jets à Raiders. Bon, German Curse quand même. 2 touchés pour les Jets. Je sais pas si c'est un must-start. Là. Moi, un gars des Jets, pas trop sûr. Forte a splitté avec ton ami Elijah, que je sais pas trop c'est qui, Maguire. avec aussi Powell, qui est pas très fort. Crabtree, 3 touchés. Moi, je l'avais dit en début de saison, le rapport qualité-prix entre Crabtree et Cooper est incroyable. Cooper, tu le draftais genre deuxième tour. Crabtree, 4, presque 5. Puis regarde qu'est-ce que ça donne. Le Cooper, il est pas là. Crabtree est encore très présent. Puis quand tu regardes des Baldwin, des T.Y. qui déçoivent, même des Cooper, quand tu regardes Crabtree avoir été aussi loin que ça, ça remet en question ton draft sur des fois des choix tellement évidents. Puis tu te dis, si j'avais pris Crabtree à ce moment-là, est-ce qu'on aurait ri de moi en disant, voyons, c'est bien trop tôt. Oui, c'est trop tôt dans la logique des choses. Mais en même temps, quand tu y penses, c'est une réflexion, c'est facile à dire parce que c'est déjà fait. Mais c'est vrai que la valeur de Crabtree est énorme. Puis Cooper, moi, je pense, c'est que Carr, quand il lance le ballon, il a trop peur qu'il l'échappe. On dirait que Cooper, il faut qu'il soit absolument libre, il faut qu'il soit calme, puis il échappe des ballons tellement facile. Cooper, lui, il voit le toucher, là. Puis il attrape le ballon, il regarde pas son ballon complet, puis ça tombe à terre, puis il perd comme ça, tu sais. Tu sais, Crabtree dans le end zone, là, c'est le gars, les jump balls, ils les ont toutes. Ligne c'est, de 1, il lance. Ligne de 1, c'est ça, c'est fou, là. Il y a des analystes qui disent que c'est possiblement le meilleur. 50, tu sais, le meilleur receveur 50-50, tu lances le ballon et tu espères qu'il l'attrape, là, ben c'est Crabtree. Et c'est possiblement le gars qui a plus de chances de l'attraper. C'est un fighter. Moi, j'étais pas un fan, mais depuis deux ans, je l'aime bien. Fait que Minnesota à Pittsburgh, le match de nos amis de la Big League. Incroyable! Il y avait beaucoup de boissons au rendez-vous. Les autres se sont dit, il doit être midi quelque part dans le monde parce que. Ils ont commencé à boire à 9h, ils m'ont dit. 9h. Puis à 4h30, Laurent, il m'a dit qu'il sortait. Il sortait du stade, puis il y en a une couple qui s'enlignait des shooters, puis que t'es pas assez chaud encore. Mais t'as le droit d'être en bédaine, Ben, tu sais, à TV, t'as pas une couple, là. Mais quand t'as, la shape de Dave, tu peux te mettre en bédaine. Ouais, mais la shape de Mo, non, mais ça avait pas l'air cocheur, cette sortie-là. Je sais pas comment le retour s'est fait, mais il y en a une couple qui devait dormir dans l'auto. Il paraît que Laurent était bien brûlé après le voyage. Un peu comme les joueurs du Canadien après 2 semaines, là. Ils sont fatigués. C'est là que les blessures commencent. C'est ça que Gilbert dit tout le temps à la radio le matin. Fait que Laurent, il y a un ministre déchiré, puis il y a un ACL aussi pendu. La grosse fatigue. Donc, Case Keenum, vraiment un gros drop par rapport à Bradford. 167 verges, aucun touché. Moi, j'étais bien on sur T-Lim. Là, je peux même plus le starter, honnêtement, avec ce gars-là comme corps. Mais Bradford va revenir, là. Non, il est entre 1 et 8 semaines de blessure. C'est ça, exactement. Okay. Mike Zimmer a donné un timetable de 1 à 8 semaines. Il a dit... Il est correct, he's fine. Il va peut-être être de retour la semaine prochaine ou d'ici 8 semaines. Mais comment il peut être fine si c'est dans 8? C'est ridicule. Bref, même Diggs, je le starte plus, là, je sais pas vous autres. Cook, t'as pas le choix parce que c'est vraiment le lead back dans l'équipe, mais il a vraiment droppé. Quand même, il a fait un toucher, il a été. J'ai reçu un push là, de toucher de Cook. Mo, il paraît qu'il a sauté dans les airs quand il a eu le toucher, mais il a été ramené pour je sais pas quelle raison. Donc, il a juste été à un toucher d'avoir une très bonne journée au boulot. Bell qui revient, là, le gros lead back avec 27 carries pour 87 verges. Pas une grosse moyenne, 3.2. Non. Décevant Bell, Adam. Ça va débloquer. Faut que ça débloque. Mais là, on va tomber au corps de la saison, là. La semaine prochaine. Il reste 2 semaines. Ben, il y a 16 matchs. Ben, ça fait 4 matchs. C'est ça. C'est comme le corps. Ben, oui, mais on arrive à semaine 3. T'as raison. on va couper ça au montage. Fait que Mark Davis, 91 verges, un touché. Brown qui a droppé un peu à 5 pour 62. Mais tu sais, t'as toujours un plancher d'à peu près 5-6 points pour Brown. Mark Davis, il vaut la peine? Ben, oui, pas de la prison? La... Non, il vaut la peine. Moi, c'est un gros talent. Il est revenu. Ouais, il est revenu. Comment ils appellent les Bumble Bees? Comment ils s'appellent à Pittsburgh? Les Bumble Bees. Ouais, c'est ça, les Bumble Bees. Ouais, mais c'est parce que. À cause de leur chandail. Non, parce qu'il y a Ben, Bell, Brian, puis Big Ben. Ah, fait que c'est les Bumble Bees. Les Bees, toutes des Bees. Ah, je savais pas ça. Bref, Washington à LA Rams. Kelly qui se blesse. Il avait fait 12 carries. Perriné qui arrive avec 21 carries. Wow. Thompson qui en a fait genre 3 de plus. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Cousin, il lance plus. Il est pas là. On est loin du 4000 verges qui est prévu là, pour lui au bâton. 5000 verges! Écoute, ils ont couru comme 40 fois. Là. Si je fais l'addition vite, c'est quasiment 40. 45 courses. Reed qui est blessé au petit orteil. Crowder qui fait rien. Pryor qui fait rien. Écoute, moi, à part Perriné, je start presque plus rien dans cette équipe-là. Cousin, tu peux même le mettre aux waivers, là, puis ça intéresse personne, puis tu pourras personne pas. Personne veut l'échanger, moi j'échange. Non. On te laisse. Non. Ok, c'est beau. Puis Gurley, on a parlé tantôt, la belle performance. Cooper Kupp, décevant. Watkins, décevant aussi. Puis Goff, 15 passes complétées. On est loin de Wentz. Si on regarde les deux gars, ils ont commencé à la même année. Ils ont été draft 1 et 2. Un qui fait quasiment 50 passes, puis l'autre. Il est à 15 passes complétées, c'est très ordinaire. La différence entre un futur Hall of Famer et un non Hall of Famer. Bon, c'est ça. Bon, New England à New Orleans. Bon, ben Brady qui a failli me faire perdre là, avec 400, quasiment 50 verges, 3 touchés. Le Gronk qui était back avec sa Gronkitude. Ouais. Back même si. Back injury. C'est ça, c'est bon. Mais Gronk, c'est ça le. Le défaut, pis c'est ça, le stress, c'est à un moment donné, est-ce qu'il va toujours se. Moi, j'ai regardé une match, puis quand il tombe, il se tord le dos, puis je comprends, là, mais à un moment donné. Il tombe tout en mal. Il joue au football, tu sais, il devrait pas se blesser tant. Là, il s'enlève, puis il a mal, puis c'est là, puis là, il y a le gros Allen sur le terrain. Allen, il connaît à peu près deux jeux, là, parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il connaissait à peu près pas ça. Puis Gronk a jamais rejoué après. Mais à quoi tu sers? Moi, je comprends pas comment tu peux. Hey, Joe Thomas a joué 10 000 snaps en ligne. Je comprends que c'est pas la même position, là. Mais Gronk, sérieusement, il a tout de cassé dans le corps. Ben, c'est tough sur le corps aussi. Non, Witten, il est fort. T'as des studs dans les tight ends. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Bref, White, un must-start pour les prochaines semaines, d'après moi. Là, 8 catches, 85 verges. Il court aussi beaucoup. Surtout si tout le monde est blessé chez les pas. Ils ont plus rien. Non, même Dorsett est blessé. Ah, c'est ça. Gillislee prend de la valeur, là, 18 pour 69. Mais Cooks, vous en pensez quoi, vous autres? Moi, je suis vraiment déçu. Là, il reste plus rien. Il reste lui, le crime. Oui. C'est le temps. Là. Pourquoi? Mais ça n'a pas l'air de connecter comme, mettons, quand ça connectait avec Moss dans le temps. Ou tu sais, quand le gars est arrivé. Là, vraiment, les jeux. Ça, puis Cooks en a échappé. Il a échappé des faciles. Ouais. Mais non, moi, je suis pas convaincu. Puis j'étais JP qui a Cooks. J'essaierai de l'échanger. Moi, je pense qu'il y a des intéressés pour Cooks parce qu'on sait jamais. Surtout là qu'il manque de receveurs. Ouais. Mais si je suis JP et j'ai un manque quelque part, c'est mon arme à aller échanger parce qu'il y a de la demande. Puis ça reste une bonne offre. Mais Cooks, je sais pas. Puis finalement, là, dans le backfield, encore ça va pas bien à New Orleans. Là, Ingram, 8 pour 52. C'est quand même pas pire, mais juste 8 carries. 4 passes, AP 8 pour 26, très très moyen. Camara encore 3 pour 51 en passes, une course. Encore une fois, un split à 3. Moi, je suis pas fan. Là. Je suis fan de rien dans ce backfield là. Je pense même pas qu'Ingram c'est un must start. Puis Fleety Fleener, The Man. Hey, lui, c'est l'homme. Là. Ouais, là, lui, là, mais son toucher est arrivé en fin de match. Je sais pas, il a pas eu beaucoup de targets dans le match. Il a quand même réussi à avoir 33 verges, un touché. Moi, j'ai. Même passé encore un autre touché. J'y crois, tu sais, Fleener, il y a quelque chose en dessous de lui qui va toujours avoir de quoi. Parce que, un, ils ont. Ben, je sais pas s'ils ont. Ben, ils ont pas de receveur, mais Fleener, il est deux en deux, là, mais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui est peut-être intéressant à aller chercher sur les waivers. On va faire attention, on a dit ça souvent de Fleener. Hein? L'année passée, on s'attendait à beaucoup de lui. Il a rien fait. Cette année, est-ce que. Ça lui a pris du temps à assimiler le livre de jeu. On le sait pas. Peut-être que c'est l'année qui va débloquer. Dallas à Denver, vraiment un gros statement des Broncos qui viennent dire qu'à domicile, ils sont vraiment imbattables. Surtout qu'ils manquent d'air et que tu as la moitié des gars sur le masque pendant, pendant les pauses. Witten, 10 pour 97, un touché. Dak a l'air vraiment à lancer souvent vers lui. Il a lancé beaucoup aussi à Dez, je pense 15 targets. Witten, 13 targets. Witten, c'est pas un start, là. Mais ben, moi, honnêtement, je vais aller chercher ses waivers si personne le prend, puis je vais le mettre à la place d'Eifert, j'ai rien d'autre. Ouais, mais moi, Witten, ça fait 15 ans que j'essaie d'y croire, là, puis c'est tout le temps. Il a eu sa grosse game, là, c'est plus le temps, là. C'est fini. Il va finir avec 3 verges la semaine prochaine. En tout cas, moi, j'y crois pas. Ziggy, vraiment déception. Vraiment décevant, là. Sa pire game à vie. Fallait bien que je l'aille dans mes 3 ligues pour qu'il me fasse. 8 verges en une semaine, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Je pense que, bon, on va le skipper rapidement. Dak, 2 picks, 2 touchés. Moi, je le trouve vraiment ordinaire, Dak Prescott. Là, je ne sais pas pourquoi tout le monde tripe dessus. Peut-être parce qu'il y a une bonne O-line, il y a Zeke qui est bon. Mais je trouve pas que c'est un si bon corps. CJ qui m'a sauvé, on en a parlé tantôt. Sanders aussi, 2 touchés. Demarius, 6 pour 71. Puis, mention spéciale à Jamal qui est à 9 courses, une moyenne de 5.1. Environ 45 verges, là, c'est quand même solide pour vrai. Oui. Si Anderson se blesse, Jamal devient un must-start. Oui, tout à fait. Il devient très, très bon. D'ailleurs, j'ai essayé de l'échanger à Félix Jean aujourd'hui, mais comme il négocie aussi serré que crime comme si c'était ça dépendait de sa vie, là, il a rien voulu savoir. C'était genre Jamal contre DeMarco. Ouais, mais non, comme ça marche pas. Là. C'est Donald Trump et genre Kim Jong-un. Ah, c'est un peu tendu. C'est pas facile de négocier avec Félix. Donc, c'était le tour des tous les matchs de la semaine. On sait que ça en fait beaucoup, mais on voulait voir un peu comment c'est intéressant de voir tous les matchs. Puis c'est sûr que nous aussi, il y en a beaucoup qu'on manque. Des fois, c'est bien intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne peut pas tous les écouter. Donc, voilà. Prochaine chronique, on va faire, ça va être un rapide. Ça s'appelle Start Them or Sit Them. Et, dans le fond, je vais vous donner le nombre de points que les joueurs ont fait. Puis vous me dites si vous les assoyez ou vous les startez la semaine prochaine. Alors, 2 points. Pierre Garçon et Jared Cook. Sit. Start Pierre Garçon. Je crois Pierre Garçon. Est-ce que tu l'as, là? Mais je pense qu'il reçoit assez de target pour ça. Non. Jared Cook. Brian Hoyer était pas fait. Jared Cook, c'est un site. OK, 2 points. DeMarco ou Larry Fitz? Start, t'as pas le choix. Start. Pas le choix, moi aussi, je suis d'accord avec vous. 3 points. Joe Mixon, Sammy Watkins. 2 sites, jusqu'à preuve du contraire. Les deux aussi sites, je pense. 2 aussi sites, je suis d'accord avec vous. 3 Crawl, Pryor. Start. T'as pas le choix. Bien compliqué. Crowell, oui, clairement. Pryor, je le cite. Moi aussi. Je l'aime pas du tout. Un autre 3 points. LeSean McCoy et Murray Cooper. T'as pas le choix de starter. C'est tes gros gars. C'est ton gros wide, ton gros running back. Ils vont bouncer. Là. Ils vont rebondir. Start. Les deux, c'est sûr. Et le dernier, ben là, c'est un peu pour moi. 4 points. Baldwin et Cohen. Ben, t'as pas le choix non plus. Là. Faut Baldwin, t'as pas le choix de le starter. Puis Cohen, ben, si Howard. Dans la situation aussi. T'as pas le choix, là. J'ai pas le choix. Non, Howard jouera probablement pas cette semaine. Il a été vu avec ce qu'il appelle en anglais un sling. C'est pas tout à fait un plante, mais une écharpe. Ouais, sur son bras. Je sais pas s'il va jouer. Puis s'il joue, il sera sûrement pas à 100%. Fait que oui, les deux, c'est un start. Excellent. Enfin. Donc, voilà la chronique. Drop them! Ça, c'est plus le fun parce que c'est plus facile. Mais c'est comme vraiment, là, honnêtement, c'est peut-être plate pour ceux qui ont les gars. Mais moi, je pense sincèrement que c'est des gars que tu peux te débarrasser. Là. T'as plus rien à faire avec eux. Moi, si tu le mets sur le waivers, je vais même pas les chercher. Il n'y a pas rien de sneaky là-dedans. Là. C'est pas pour que tu le drops et qu'on aille le chercher. Peut-être que Will va y aller. Peut-être que Believer, vu qu'il believe, il va y aller. Mais bref, tous ces gars-là sur les waivers, Thomas Rawls, Powell, AP, Watkins, ainsi que tous les wide à Buffalo, le Garrett Blunt, c'est Watkins fini. Watkins est plus à Buffalo, mais... Excuse-moi, Watkins, et les wide, tous les wide de Buffalo. Ça a été mal écrit. C'est Félix, okay, mal fait ça, je m'excuse. C'est Mathieu qui l'a écrit lui-même. Non, non, non, c'est toi. Ouais, ouais. Et le Garrett, comme je disais, drop. Hill, Bernard. Ben, moi, je vais sûrement drop Hill. Bernard va se faire drop. Hill, t'as fait ton... Ben là, j'y croyais, j'y crois plus. Paul Perkins, Ninja, je suis désolé, c'est fini pour lui. Et tous les wide de San Francisco, donc Pierre Garçon, moi je start pas ça, je m'excuse. Ça pourrait être une nouvelle chronique, j'y croyais mais j'y crois plus. On pourrait peut-être trouver quelque chose genre la semaine 9 ou au milieu de la semaine 8, là, au milieu de la saison. C'est genre de toon believe quelque chose. Oh, ouais, ok. C'est quoi la toon de Space Jam là? Don't believe I can fly. Ah, c'est bon ça, ouais. On met ça dans les books. I believe j'y croyais encore. En terminant, les match-up à venir, il y en a 4 à voir. Là, on va mettre en réflexion les gens qui ont ces joueurs-là. Est-ce qu'on les start? C'est peut-être une bonne... Moi, je les ai appelés les breakout players, là, des joueurs qui n'ont pas connu un bon début, mais que peut-être là, ça va exploser. Donc, T.Y. contre les Browns. Je pense que Jacoby Brissett, c'est un assez gros upgrade au centre. Moi, pour que tu startes contre les Browns. Ouais. C'est contre les Browns. Les Browns ont accordé 21 puis 24 points dans leurs deux derniers matchs. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que T. Wilton, tu l'as choisi tôt. Ça vaut la peine de le mettre. Tu sais, peut-être pas dans tous les cas, mais là, contre les Browns, avec Jacoby Brissett, qu'on est sûr qu'il va starter, moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai dit de citer tous les gars de d'Indy, mais je pense que contre Cleveland, un, Hilton, t'as pas le choix. Là, c'est ton, tu l'as drafté pour un deuxième tour, puis en plus, c'est contre les Browns. T'as pas le choix de prendre un dernier guess. Dans le pire des cas, il te reste à peu près une semaine sans Hilton. Mais en même temps, T.Y., peux-tu vraiment te faire 8 semaines en ligne sans produire? Voyons donc, ça se peut pas. C'est comme si tu mises, ça marche pas. À un moment donné, ça va débloquer, je peux pas croire. Là. Mais il y a 2 ans, il y a eu une année de misère, là, justement parce qu'Andrew Luck avait été très très blessé. Il y a 3 ans, ça a été son émergence. Il y a 2 ans, ça a été vraiment dur. L'année passée, c'était super bon. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est vrai que ça dépend aussi du corps arrière qu'il y a, mais... Newton, Cam, contre les Saints. Les Saints, il y a 2 équipes dans la NFL qui ont fait 2 défensives qui ont fait des semaines négatives à leurs 2 premières semaines. C'est les Pats puis les Saints. Les Saints ont été moins 5 et moins 8. Ben, si Newton fait rien contre les Saints, je sais pas contre qui il va être bon. Fait que c'est pas mal la dernière chance de voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais pas, Newton, là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il était dominant il y a 2 ans, puis là, l'année passée, je l'avais, il était mauvais. Cette année, il semble encore être mauvais. Mais contre les Saints, t'as pas le choix de le mettre. Là. Mais t'as pas le choix. Les Saints, c'est le classique, la game finit 51-49, là. T'sais, tu t'en fous un peu qui va gagner ou qui va perdre, mais tu sais, ça va être beaucoup de points. Si Panthers font pas une 20aine de points et plus, là, là-dedans, ben, excuse-moi, les joueurs des Panthers, en termes fantasy, valent pas grand-chose. Non, c'est ça. Moi, si t'as, les prochaines semaines, là, si t'as un gars comme Carson Wentz ou un gars comme, je sais pas moi, Philip Rivers sur les waivers, je mettrais avant Newton. Ouais, non, exact. Ça dépend du match-up, là, bien sûr, mais Newton, je sais pas. C'est un peu comme c'est un gars que tu vas streamer bientôt, là. Ouais, je pense que c'est un bon corps arrière en termes de NFL. En termes de fantasy, c'est plus ça, là. Exact. Finalement, Cooper contre les Redskins. Est-ce que. On parle d'Amari Cooper, là. Est-ce que ça vaut la peine de le starter? Ben, les Skins ont une mauvaise défensive? Quand même. Ben, il y a Josh Norman. Ben, Norman va être sur qui? Crabtree? C'est qui la plus grande menace maintenant de Oakland? D'habitude, Norman joue beaucoup à gauche. Selon les statistiques, Norman joue beaucoup à gauche. À suivre. Moi, Cooper, t'as pas choix de le mettre. T'as pas choix de le starter. Mais c'est sûr que t'es déçu. Hein. C'est ça, exactement. Alors, ben voilà pour les peut-être breakouts. Un petit rappel, la game des Ravens et des Jaguars est à 9h30 AM, heure de l'Est. Parce que ça se déroule à Londres. Ça aurait été le fun d'une bonne game, genre. Ça aurait 4 games en ligne. Mais sinon, les Jaguars, c'est tout le temps eux qui envoient. Ouais, c'est pas si. C'est tout le temps les maudits Jaguars. Je pense qu'ils ont une entente avec. Ils ont peut-être une entente. Donc, voilà. Donc, ne pas oublier de faire, si vous avez des joueurs dans ces équipes-là, de les assurer des starters ou non. Parce qu'une fois que c'est fait, ben, c'est terminé. Alors, ben voilà, messieurs. Merci, Félix. Merci, Will. Un gros merci encore de l'invitation. Pour ta présence. La semaine prochaine, nous allons recevoir Félix, l'actuaire Jean, surnommé Philippe. L'homme à la vieille âme, celui qui quitte avant la bière et qui arrive avant tout le monde. Peut-être que la bière et arriver avant ont un lien. Alors, voilà, parlez de nous en grand nombre. Mathieu, mot de la fin? Ben oui, écoute, moi j'ai hâte à mardi prochain déjà pour parler du podcast. Je suis vraiment excité là, d'avoir commencé ça avec toi, Félix, puis les invités à chaque semaine. Là, il y a des gars dans la ligue là, qui ont hâte au mardi soir, mercredi matin, tout dépendant si tu es performant dans ton montage, ouais, pour recevoir le podcast. C'est bien reçu, on a eu que des commentaires positifs. Puis moi, j'ai hâte autant au dimanche pour écouter les games qu'au mardi pour faire le podcast. Puis toujours un plaisir d'être avec toi. Là, pour compter un peu plus rapidement l'histoire, là, on écoutait un podcast, moi et Félix, il y a à peu près un mois et demi. Mm. Puis j'ai trippé sur le podcast. Puis là, j'ai dit, on en fait-tu un? Puis il m'a dit, ah, je pensais te le demander, mais j'osais comme pas trop. Puis là, il a fait, OK, let's go, on y va, on en commence un. Puis on est parti de ça. Là, on part de rien. Là, puis éventuellement, on va avoir des micros si bien, Félix là. Continue ouais, de travailler à trouver des montages vidéo pour comprendre comment faire. Mais éventuellement, on va avoir le gros setup puis on va réinviter tout le monde avec le parfait setup. Mais faites-les écouter puis donnez vos commentaires. Puis c'est important parce qu'on veut le promouvoir plus loin que ça en 2018. Là, on veut vraiment avoir une plateforme sur Balado Québec qui est une application tout ça. Puis on veut pouvoir que ce soit at large. C'est comme un prototype de luxe là, qu'on fait. Mais si vous connaissez des gens qui ont des podcasts, des gens qui font ça, des gens qui connaissent ça, mettez-nous en contact avec eux pour nous aider à l'améliorer. Puis on va finir, qu'on va vraiment être live, on va pouvoir prendre des appels Skype, puis là, on voulait avoir Laurent en appel conférence ce soir. On peut pas, parce qu'on sait pas comment, c'est plus compliqué que ça a l'air. Puis il y a beaucoup de montage à faire, mais bientôt, on va pouvoir faire ça en live, puis ça va être encore plus extraordinaire. Fait que sur ça, bonne semaine bonne tout semaine. Le monde, puis on souhaite bonne chance pour le fantasy. C'est un rap pour le podcast!